clé de dos sur mon bigo. J'ouvre le terrain avec qui reste dans le frigo. Me harteler, ça peut t'allume comme un rio. J'suis dans le bénéf, j'ai toujours la hache en vue. Faut des millions d'euros. Donc tu seras malheureux. Faut des millions d'euros. J'ai changé tous mes euros en monnaie taille. J'fume le nœud, j'te laisse la ponce au détail. Minuit fermeture, j'ai fait partir tout le détail. Tout soit 10-50 en moyenne, j'dois ravitailler. 800, j'fais de la fraîche, j'les laisse faire les intéressants. Que de la frappe, moulatant, j'suis dans l'avion, j'peux pas mettre le clignotant. Pas beaucoup de regrets, j'ai le rouge. J'prendrai la neige en été. J'attends la fin du mois, le bureau. J'prends la rome, je rêve. Pas beaucoup de regrets, j'ai l'euro. J'vendrai mes gens en été. J'attends la fin du mois, les zéros. J'prends la rome, je rêve. Allô, j'visère à droite, à gauche, fini misère. J'vends de la peu froid, des 10, des 20, j'm'arrête à l'aube. Mon pote fuck les réseaux, jamais personne ira voir l'autre, ça se tire dessus avec des mots. Oui, je claque l'oseille et je kiffe la vie. Aucune salope sur ma vire, je bagarre la Ferrari. J'encaisse qu'à la grand sourire. Et je peux dire sur ma vie qu'on en a fait, mais qu'on n'a pas de choses à se dire, on se connaît pas, non. Nadalement aussi, et ça là pour les pronostics. J't'assure que j'éteins la guerre vite. Je m'écoute tracer des coups de fil. Juste après ça, je décompresse. Au soleil, avec ma biche, j'appelle ma S. Pour un fil, la grenade, je la dégoupille. Pas beaucoup de regrets, j'ai le rang, j'vendrai mes jours en été, j'attends la fin du mois, les jours, j'prends l'an majeur.